Alors aujourd'hui, on poursuit la lecture du chapitre 5 de l'Évangile de Matthieu. Ceux qui sont attentifs, ça fait déjà quelques dimanches que nous avons Matthieu, mais c'est toujours ce même discours. On se souvient, il y a 2-3 semaines, on avait entendu Jésus qui monte sur la montagne et qui se met à enseigner les foules. Et le premier enseignement qu'il avait donné, vous vous souvenez, c'était quoi, il y a 2-3 semaines? C'était le début du chapitre 5, pour aider, sinon. C'est les béatitudes, hein? Cet appel à être heureux. Êtes-vous heureux? Bon, alors pour les autres, je vous suggère d'écouter l'homélie. Alors, Dieu nous appelle à être heureux, hein, dans ses béatitudes. Heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux, etc. Ensuite, il nous a appelés à être le sel de la terre, à être la lumière du monde. La lumière, qu'est-ce que ça fait? Ça éclaire. Le sel, qu'est-ce que ça fait? Ça préserve la qualité des aliments pour qu'ils ne périssent pas. Donc Jésus nous appelle à être, que notre vie soit lumineuse et que notre vie conserve la bonté de l'humanité, qu'elle nous préserve de la déchéance très facile, possible, pour ceux qui nous entourent, mais aussi pour nous. Il nous invite à être sel. Ensuite, la semaine passée, le Seigneur a dit, « Vous avez entendu, eh bien moi je vous dis. » Et les « Vous avez entendu » la semaine passée, vous vous souvenez, c'était quoi? C'est presque décourageant, mais je vois. Alors, la semaine passée, on a parlé de, à l'Évangile. Alors, si vous avez entendu, tu ne tueras point, et etc., moi je vous dis, celui qui se met en colère, lui aussi aura à en répondre. Et si tu insultes ton frère, etc. Donc, la semaine passée, hein, Jésus commençait à prendre certains des commandements, des commandements donnés par Moïse, les 10 paroles de vie, qui sont des commandements qui invitent à ne pas, entre autres, pas faire de mal à la vie de l'autre. Entre autres, tu ne tueras pas, puis l'autre, c'était tu ne commettras pas d'adultère. Mais Jésus vient pousser plus loin. Il invite à intérioriser, de travailler non seulement ce qui est visible, mais de travailler la racine. C'est pour ça qu'il nous invite à travailler même la colère ou travailler même le fait de juste insulter son frère, parce qu'il dit nos colères, nos insultes, etc., c'est la racine du meurtre. C'est la même famille, c'est juste que un, c'est l'œuf et l'autre, c'est le poussin éclos. Donc, il nous invite à comprendre que tout ça est connecté et à se battre même contre la racine du mal. Il avait aussi pris l'adultère, hein, il avait dit, celui qui déjà regarde en convoitant, en voulant posséder, consommer l'autre, a déjà commis l'adultère. Donc, encore une fois, on est dans ce même chapitre 5 qui nous appelle au... Qui nous appelle à quoi? Au... bonheur. En Dieu nous veut heureux. Donc, on est encore dans cet appel à être heureux. Et Jésus nous donne des petites consignes pour apprendre à être heureux quand on nous fait du mal. Ici, c'est la piste qu'il nous donne aujourd'hui. Et encore une fois, il se positionne différemment. Il essaie d'amener plus loin la révélation de l'Ancien Testament qui était déjà une progression, mais il essaie de faire un autre pas à l'humanité. Il dit, vous avez entendu, œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent, c'est-à-dire, ton voisin t'a arraché un œil, tu peux lui arracher un œil, mais t'as pas le droit de lui couper la tête. OK? Il t'a juste arraché un œil, donc c'est injuste si toi tu arraches la tête. Pourquoi c'était une progression? Eh bien, c'est une progression par rapport à notre tendance naturelle à nous venger. Si on me fait du mal, on a juste envie de répliquer, mais de répliquer nous-mêmes en faisant une autre injustice et de déborder, ce qui cause souvent l'escalade de violence parce que on se fait justice soi-même, sauf que se faisant justice soi-même, on déborde la mesure parce qu'on est blessé, on a mal, et finalement on crée des injustices. Et la loi donc du œil pour œil, dent pour dent est un progrès pour dire « wow, stop à l'escalade de violence ». Va pas plus loin que ce qui t'a été fait. Une tentative de rétablir un petit peu par rapport à une question de justice. Mais Jésus nous invite à pousser plus loin et à non seulement travailler la question de la justice, mais à essayer de rétablir la charité. Parce que si l'autre m'arrachait un œil, c'est probablement qu'il ne m'aimait plus ben. Hein? Donc, il n'y a plus beaucoup de charité. Et Jésus nous dit, « Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. S'il te gifle, présente la joue droite. S'il veut te poursuivre en justice pour prendre ta tunique, ben, donne-y en plus ton manteau, etc. » Jésus invite à riposter à l'injustice, non pas à se laisser faire, même si ça a l'air de se laisser faire, présenter l'autre joue, ça semble être un acte de faiblesse, mais non, c'est une riposte. Je réponds quelque chose, mais je réponds par un acte de charité. À qui te demande, donne. Au fond, saint Paul mettra en lumière dans l'Épître aux Romains un verset à retenir par cœur. Hein, Romains 12, 21, « Ne vous laissez pas vaincre par le mal, soyez vainqueurs du mal par le bien. » Saint Paul, juste avant, dit dans les versets, « Fais du bien à celui qui te fait du mal. Ce faisant, tu amasseras des charbons sur sa tête. » Martin Luther King, vous savez, cet homme qui a essayé de rétablir l'unité aux États-Unis entre les divisions qui est viscérales de ce peuple, disait « On ne chasse pas les ténèbres par les ténèbres. On ne peut chasser les ténèbres qu'en amenant de la lumière. Je ne peux pas chasser de la colère en ramenant encore plus de colère. » Donc, Jésus nous invite, au fond, il dit, hein, « Soyez comme le Père céleste est parfait. » Il dit, « Il fait briller son soleil sur les justes et sur les méchants, sa pluie sur les justes et les méchants. Dieu est créateur. » Aujourd'hui, Jésus vous invite à être comme Dieu, créateur. Le créateur, il fait exister des choses qui n'existaient pas là où elles n'existaient pas. Ici, Jésus vous invite et m'invite à faire exister de l'amour là où il n'y en avait plus. Et c'est pour ça qu'il nous dit « aime, aime quand même ». Même si tu vois l'autre ne t'aime pas, il ne mérite pas, ce n'est pas grave, aime-le quand même. Et peut-être que par ta persévérance, tu vas rallumer quelque chose de l'amour en lui. Et tu seras à ce moment-là image de ton Père qui est créateur de l'amour. Il y a un film que j'ai vu il y a au moins 20 ans, ça ne me rajeunit pas. Les Misérables, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'ai vu la vieille version. Je pense qu'il y a une version nouvelle en comédie musicale que je n'ai pas trop vue. Mais Les Misérables, vous connaissez, c'est un écrit de Victor Hugo mis en film. Dans la version que j'ai vue, je ne sais pas encore une fois dans la version moderne, mais dans la version que j'ai vue, le début du film est magnifique. Mon micro marche encore? Ok, j'avais l'impression que ça coupait. Vous me ferez des bye-bye si ça marche plus. Alors, ça marche plus? Il y en a qui me font des bye-bye. Alors, au début, il y a un homme qui... J'ai l'impression qu'il marche. Non? Il ne marche pas? Parce que si la batterie achève, des fois, il ne marche plus, c'est pour ça. Je vais parler ici, ça va mieux. Alors, il y a un homme qui a un problème avec le vol. C'est un pauvre, puis il est misérable, et il vole. Puis c'est un peu une passion chez lui, mais une mauvaise passion. Et donc, il se fait héberger chez un bon curé de paroisse. Et puis, lui, le bon prêtre l'accueille, lui donne à manger et lui propose même de dormir à la maison. Et pendant la nuit, ce pauvre, avec un problème de vol, décide de partir avec la belle argenterie, la belle argenterie du prêtre. Et le vaisselle qui était là dans le presbytère. Mais il se fait pincer par la police. il se fait pincer, puis la police a une dent contre lui parce qu'elle sait que c'est un petit malfaiteur, puis elle cherche depuis longtemps à l'attraper, à le pincer, à le coincer. Donc là, tout content, il le ramène chez le curé, il lui dit, regardez, j'ai trouvé cet homme avec votre vaisselle, c'est votre vaisselle autographiée. Et il lui dit, le coupable est là, pouvez-vous me confirmer que c'est bien votre vaisselle, puis qu'il est bien coupable, que je puisse la ramener en prison? Le prêtre prend conscience que le bonhomme est pas mal pris, mais il décide d'essayer de répliquer à son acte injuste. Il vient d'être volé par cet homme, mais il décide de répliquer, de vivre exactement la phrase que Jésus vient de dire. « Quelqu'un veut-il prendre ton manteau injustement? Donne-lui en plus ta tunique. » Donc, le curé, il dit, « Non, mais je lui donne. » Et il va même chercher un chandelier d'argent et il le met dans son sac. Il lui dit, « Mais tiens, prends ça aussi, t'avais oublié cet objet-là. » Et puis, dans son oreille, il s'approche tout près de lui et lui dit, « Par ce chandelier, je rachète ton âme. » Par ce chandelier, je rachète ton âme. C'est, je pose un acte gratuit d'amour envers toi. Tu ne le mérites pas, mais je choisis quand même de t'aimer. Sors de ton mal. Dieu t'appelle à la vie. Le policier comprend rien. Et il trouve ça un peu bizarre, mais il peut pas l'amener en prison parce que le prêtre, il dit que c'est bon, qu'il lui donne. L'homme repart, mais ce pauvre voleur est bouleversé de cet acte non mérité d'amour. Et il se met lui-même à faire du bien à une personne qui voit qu'il y a besoin, et à une autre, et à une autre. Il prend goût à aimer, et à aimer même des personnes qui ne le méritent pas. Et tout le long du film, on voit, au fond, c'est toute sa transformation. Il prend de plus en plus des responsabilités dans le service et dans l'amour. Et la police court tout le temps après essayer de l'épingler. Mais en fait, il a changé. Son cœur n'est plus le même. Donc, ce film, ce n'est qu'un film, mais il illustre la puissance transformatrice de l'amour. Et c'est à rien de moins que ça que Jésus vous appelle aujourd'hui. C'est devenir co-créateur avec Dieu par un acte d'amour non mérité envers des gens qui ont pu vous offenser. Si vous choisissez d'aimer et d'aimer quand même lorsqu'on vous a fait mal, vous pourrez, avec la grâce de Dieu, ramener un peu d'amour, ramener un peu de vie, peut-être là où il n'y avait plus que la mort et la déception. Je redis la phrase de saint Paul que j'ai dit tantôt en Romains 12, verset 21. « Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais soyez vainqueurs du mal par le bien. Ainsi vous serez comme le Père, parfait. » La perfection chrétienne, ce n'est pas faire de gaffe. Ce n'est pas ne plus faire d'erreur, être le meilleur en sport, le meilleur en maths, le meilleur. Ce n'est pas d'être le meilleur partout. C'est pas ça la perfection chrétienne. C'est pas ça d'être fils du Père. Être fils du Père, c'est de avoir appris à aimer comme le Père aime. La plus grande des vertus de Dieu à imiter, c'est sa miséricorde. Saint Thomas d'Aquin dira même d'ailleurs justement que c'est la plus grande des vertus de Dieu et que c'est là que se vérifie la perfection ou non de notre vie. Est-on capable d'aimer au point de pardonner et d'aimer au point de choisir quand même de faire du bien? Tout seul, on n'y arrivera jamais. Mais bonne nouvelle, le Seigneur nous envoie son Esprit Saint. C'était la deuxième lecture où Paul nous dit, « Ne savez-vous pas, vous êtes le temple de l'Esprit Saint. » Le temple. Donc, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tout seul pour aimer. L'Esprit de Dieu, l'Esprit d'amour vient se joindre à votre esprit pour être capable de faire ce pas un peu trop grand pour nous, mais qui nous donne tant de joie lorsqu'on réussit à le faire. Donc, aujourd'hui, entrons, choisissons d'aimer pour entrer et choisir aussi d'être heureux. Seigneur, nous sommes tous des misérables, des pauvres. Mais avec toi, Seigneur, tout redevient possible. Tu peux ramener la vie là où il n'y en avait plus. Tu peux faire naître l'amour là où il n'y avait que la haine. Oui, Seigneur, donne-moi de te suivre sur ces chemins de joie, de paix et de bonheur. Amen.